إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، nous avons terminé بفضل الله تعالى la première partie de ce livre qui concerne التوحيد والعقيدة. Et à compter de ce jour, on va commencer dans la deuxième partie qui elle est مبادي الفقه. En ce qui concerne la jurisprudence. Quelles sont les choses par lesquelles le mukallaf, c'est celui sur lequel s'imposent les charges de la religion, c'est-à-dire le muslim, balir qui est majeur, aqil qui a sa raison, qu'il soit homme ou femme. Celui-là, les charges de la religion s'imposent sur lui. À partir du moment où il est devenu majeur, ou plutôt pubère, qui est devenu pubère, tout ce qu'il fait comme action est compté. Les bonnes actions lui sont comptées, et les mauvaises actions, elles, lui sont comptées aussi. Il prend des péchés. Alors qu'avant cela, comme dans le hadith, qu'il y a trois sur qui la plume est levée, qui sont l'impubère, jusqu'à ce qu'il devienne pubère, c'est-à-dire l'enfant, le fou ou le dément, jusqu'à ce qu'il reprenne la raison, et celui qui dort. Jusqu'à ce qu'il se réveille. Donc là, ça concerne les choses qui sont liées au mukallaf. Les mukallaf, ce sont les hommes et les djinns. Comme qu'a dit Allah, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je ne crée les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Donc là, ce sont des choses, après qu'on ait pris des choses élémentaires qui sont obligatoires, entre autres, de connaître dans la religion, dans la croyance, certaines plus que d'autres. On va prendre des choses qui sont obligatoires de connaître aujourd'hui, qu'on va commencer aujourd'hui, dans les actes. Dans les actes. Pour que ces actes soient rendus valides et acceptés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Awalan el fiqh, on l'avait déjà pris au début du livre, mais l'abes nouradia, wa na'ouda ilayhi. Pas de mal à ce qu'on reprenne et qu'on se rappelle. El fiqh, l'oraten, wa Al-Fahm. Le fiqh, littéralement parlant, c'est la compréhension. Le fait de comprendre une chose. Wa shal'an huwa ma'rifatu al-ahkam al-shad'iyya al-amaliyya bi-adillatiha al-tafsiliyya. C'est connaître les règles légiférées des œuvres avec leurs preuves. Yani détaillé. Mathalan, faire la salat, comment tu vas la connaître? Avec les preuves détaillées. Comment tu lèves les mains? Comment tu lis la fatiha? Comment tu fais le recours? Qu'est-ce que tu y dis? Quand tu te relèves, qu'est-ce que tu dis? Lorsque tu te prosternes, à kaza, combien de fois? Ça, c'est des choses qui ont besoin de preuves détaillées pour chaque chose que tu fais. Hadha min al-fiqh. Et cette définition, c'est la définition dans la terminologie des fuqaha, des gens du fiqh. Mais en réalité, le fiqh ne touche pas qu'aux œuvres, il touche toute la religion. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Man yuridillahu bi khayra yufaqqihu fi din. Celui à qui Allah, il veut du bien et lui fait comprendre la religion. Donc c'est tout ça. On englobe l'aqida également, le tawhid, wa ghayra dhalika. Le fiqh, l'akbar, wa l'aqida. La plus grande compréhension, c'est de l'aqida. Mais là, on parle dans le stilah des fuqaha, la terminologie des gens du fiqh. Que là, c'est lié aux choses qui sont liées aux actes, aux œuvres. Wa ibadat al-zahira al-amaliya. Le shir commence en disant, Abdullah Ta'ala, An Nabi Umama al-Bahili, radiallahu anhu, qala, Samiatu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, yakhtubu fi hajjati al-wada'a, faqal, اتقوا الله ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم واتعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم وهو حديث حسن رواه الترمذي. Que selon Abu Mama al-Bahili, qu'il est dit, j'ai entendu le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam faire un sermon lors du pèlerinage d'adieu et dire, craignez Allah votre Seigneur, accomplissez vos cinq salats, jeûnez le mois de Ramadan, acquittez de la zakat de vos biens et obéissez à votre dirigeant, vous rentrerez au paradis de votre Seigneur. Donc ce hadith là, on regroupe tout cela. Il a commencé par la taqwa, qui est la taqwa, englobe, elle est une taqwa, huwa antaj'ala baynak wa bayna 'adhabillahi wiqaya, que tu mettes entre toi et la colère d'Allah une protection. Hada min ta'arif at-taqwa. Donc cela englobe ta croyance. Cela englobe l'ikhlas. Cela englobe le tawhid. Cela englobe le sidq, la véracité. Donc là, ça rentre dans les awalen a'mal al-qulub. A'mal al-qulub. Par la suite, il dit, faites vos 5 salats. Ensuite, il dit, jeûnez votre mois de Ramadan. Ensuite, il dit, acquittez-vous de la zakat. Et quel en sera le résultat? L'entrée, aussi également, afin d'obéir aux dirigeants des musulmans. Et par la suite, quel en est le résultat? L'entrée au paradis. Bi'iznillahi ta'ala. Et hormis le dernier point qui est l'obéissance au gouverneur, on retrouve dedans, là, les 5 piliers de l'islam. Donc, taqullah rabbakum, ça rentre dedans le tawhid shahadatayn. Wa ghayr dhalika. Donc ce hadith englobe ce qui va suivre par la suite. On a déjà pris la première partie, et taqwa rabbakum dans la aqida et dans le tawhid. Maintenant le reste va suivre biznillah ta'ala dans la deuxième partie de ce livre. Faqala as-su'al al-wahid wal-khamsoun ou bel al-mas'ala al-wahid wal-khamsoun kullu ibaratin labudda laha min niya wa niyatu mahaluha al-qalbu wa dalilu hadith Umar ibn Khattab أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنية متفق عليه. Donc il a dit en premier lieu le 51e point. Là ce n'est plus sous forme de question à ce moment-là. Là maintenant c'est des masa'il, des sujets exposés directement. Maintenant ce sont des choses que tu exprimes par tes actes. Donc là il t'enseigne quoi faire et comment le faire. Après tu es su pourquoi le faire. Donc il dit, toute adoration a nécessairement besoin d'une intention. Elle a forcément l'intention qui y est liée. Et la place de l'intention est dans le cœur. Et la preuve, c'est le hadith de Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les actes ne valent que par leur intention. Ou ne sont que par l'intention. Rapporté par le Bukhari et Muslim. Donc ce hadith, on avait expliqué dans la partie précédente du livre, que la condition des actes est basée sur deux choses. Ou plutôt que les actes, pour qu'ils soient valides et acceptés, sont basés sur deux conditions. La première, qui est l'intention, celle-ci. Deuxième, c'était la mutabara, le suivi prophétique. Et ce hadith, plus d'un, parmi les ulama, on fait des tariqat à son sujet, minhum, ma zaqala, Ibn Mahdi, rahimahullah ta'ala. من أراد أن يؤلف كتابا فليبدأ بهذا الحديث. وقال لو صنفت كتابا لبدأت في كل باب منه بهذا الحديث. Donc Ibn Mahdi, il a dit, rahimahullah ta'ala, que celui qui veut écrire un livre, faire un écrit, qu'il commence par ce hadith. Et qu'il a dit, si moi-même j'avais écrit un ouvrage, je recommence chacun des chapitres par ce hadith. Et parmi ceux qui ont agi de la sorte, il y a le même Bukhari, rahmahullah ta'ala, qui a commencé son livre par ce hadith. Justement. Pourquoi? Car cela remet en question et est un rappel pour celui qui fait une œuvre de son intention qui ne vise par là que Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Ikhlas. Donc, inamal amal bin niyya. Et on a déjà parlé autour de ce sujet dans les doulous de Al-Arba'in Nawawiyah. Bihamdillahi ta'ala, de façon plus approfondie pour celui qui veut y retourner et écouter. Taïeb. Donc en premier lieu, avoir une niya. Ce que tu vas faire, tu le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle que soit l'œuvre que tu fasses, qu'il soit une adoration, tu mets une niya qu'elle soit pour Allah subhanahu wa ta'ala. Certains actes, eux, n'ont pas besoin de niya. Certains, quelques-uns, ce n'est pas tous. Si jamais ils sont faits sans niya, ils sont acceptés quand même. D'accord? Mais la base, c'est que quoi que tu fasses, tu es une niya. Tu sais pourquoi tu fais la chose. Donc cette niya, il faut que par celle-ci tu vises Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qu'on appelle al-ikhlas. ثم قال المسألة الثانية والخمسون التلفظ بالنية بدعة والدليل حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق عليه. Donc il a dit, ou dans le 52e point, prononcer l'intention est une innovation. Et la preuve, c'est le hadith de Aïcha, radiallahu anha, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, quiconque invente dans notre religion ce qui n'en fait pas partie, cela lui est rejeté. Muttafaqun alayhi. Donc là, le fait de prononcer la niya avant de commencer l'œuvre, cela est une chose qui est innovée, qui n'a pas d'origine en religion. Comme par exemple, quelqu'un qui va faire l'ozo, il dit, je vais faire l'ozo pour Allah. Avant qu'il fasse salat, il dit, je vais faire la salat pour Allah. Avant de faire le hajj, par exemple, avant de partir, il dit, je vais faire le hajj pour Allah. Un tel biya, ça c'est autre chose. Un tel biya, ça c'est une adoration qui a été légiférée. Et ce n'est pas prononcé niya, d'accord? C'est un acte qui est légiféré avec une preuve à la base. Parce que celui qui fait le hajj prononce qu'il va faire le hajj, ou une umra, d'accord? Ça c'est une chose qui est particulière. Et on ne fait pas de qiyas, d'analogie avec cette action-là pour les autres. Car cela, elle a une preuve à l'appui. Que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et cela est compté comme étant un acte, tayyib, mustahab dans le hajj, dans les rites du hajj. Quoi qu'il en soit, l'intention, son emplacement dans le cœur, donc n'a pas à être prononcé ou démontré aux gens, ou se faire entendre. Cette intention à la base, entre toi et ton Seigneur sait ce qu'il y a dans ton cœur. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى الكبرى الجزء 22 صفحة 230 نية الطهارة في الوضوء أو في وضوء أو غسل أو تيمم والصلاة والصيام والزكاة والكفارة وغير ذلك من العبادات لا تفتقر إلا نطق اللسان باتفاق أئمة الإسلام بل النية محلها القلب باتفاقهم انتهى المراد. Donc il a dit quoi, Cheikh l'Islam? Que l'intention, lorsqu'on fait la purification, lors de l'eau d'eau, ou lorsqu'on fait un roussel, un lavage, lorsqu'on fait le tayammum, les ablutions sèches, quand on fait la salat, quand on fait le jeûne, quand on s'acquitte de la zakat, ou lorsqu'on fait des expiations, et tout cela, parmi les adorations, elles n'ont pas besoin d'être extériorisées par une prononciation par une parole, et cela avec unanimité des imams de l'islam. Mais l'intention, son emplacement dans le cœur. Et cela également avec leur unanimité. Donc, ce qui est dans le cœur n'a pas besoin d'être extériorisé si ce n'est une preuve, mais il y a une preuve à l'appui. Là, ce n'est pas le cas pour ça. D'accord? Ce qui est dans le cœur n'a nul besoin d'être extériorisé par une prononciation, par une parole, tant qu'on n'a pas une preuve à l'appui, chose qui est justement dans ce sujet-là inexistante. Il n'y a pas de preuve pour faire cela. Donc prononcer l'intention avant la salat ou autre parmi les ibadat, cela est une bid'a. Donc quand le cheikh l'islam, rahimahullah ta'ala, comme dans le fatawa al-kubra, كذلك, قال بل التلفظ بالنية نقص في العقل والدين أما في الدين فلينه بدعة وأما في العقل فلينه بمنزلة من يريد أن يأكل طعاما فيقول نويت بوضع يدي في هذا الإناء أني أريد أن أخذ منه لقمة فأضعها في فمي فأمضغها ثم أبلعها لأشبع مثلا. Et ces fawaid que je cite de Cheikh l'Islam, tout ça ce sont des choses que Cheikh Abdul Raqib a rapporté dans son ta'liq. Donc Cheikh l'Islam il dit, toujours dans ma fatawa al-kubra, il dit, mais plutôt même, voire même que le fait de prononcer l'intention, cela est une réduction de la raison et de la religion. Pourquoi en religion? Car cela est une innovation. D'accord? Donc toute innovation est un oxe dans le dîn. C'est un manquement dans la religion. C'est un défaut. Et dans la raison, du fait que cela ressemble à une personne qui voudrait manger et qui dirait, j'ai l'intention de mettre ma main dans ce plat pour en prendre une bouchée, pour la mettre dans ma bouche, pour la mâcher et l'avaler. Quelqu'un qui ferait cela, qui agirait de la sorte, qu'est-ce qu'on dirait de lui? On dirait qu'il n'est pas normal. Ben, il fait une comparaison, il dit qu'une adoration, c'est la même chose. Qu'à l'adoration, du moins la niyyah pour l'adoration, son implantation est dans le cœur. Elle n'a pas besoin d'être prononcée pour que ce soit, et Allah subhanahu wa ta'ala, vu que c'est lui que tu vises, il sait tout, il entend tout, et il le sait même avant que tu le fasses. ثم قال في المسألة الثالثة والخمسين فإذا قيل لك ما هي البدعة فقل هي ما أحدث بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بقصد التعبد وليس عليها دليل من الكتاب ولا من السنة. Donc 53e point. Si on te demande, là c'est une question qu'il a mis dans le livre. Dans le reste du livre, ce n'est pas sous forme de question, mais là, il l'a mis dans le livre sous forme de question. Ce point, précisément. Si on te demande, qu'est-ce que l'innovation? Dis, c'est ce qui a été inventé après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec la volonté d'en faire une adoration et qui n'a aucune preuve tirée du livre ou de la sunna. Donc ce point, on en a déjà parlé. D'accord, qu'est-ce que la bid'a? Et le hadith, c'est le même hadith qui en est la preuve, de Aïcha radiallahu anha. Hein? Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. Celui qui invente dans notre religion ce qui n'en fait pas partie, cela lui est rejeté. Hakadha. Donc là on va s'arrêter ici, inshallah, qui fait qu'aujourd'hui on a pris une légère introduction dans le bab du fiqh, en sachant que l'adoration est forcément basée sur l'intention. Donc cette intention doit être pour Allah subhanahu wa ta'ala. Sans quoi l'acte ne sera pas accepté. Également, on a appris que le fait de prononcer la niya, l'intention, cela est une innovation. Et on s'est rappelé qu'est-ce que l'innovation. Hakada. Fasanaktafi bihadha al-qadr al-yawm. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.